tu ne seras plus jamais seul. Ta vie brillera de mille feux qui ne te rendront pas aveugle, car vous les verrez à deux. Bien sûr, le monde ne va pas changer, on n'arrête pas le grand jeu, pas plus que ces absurdités. Mais vous en rirez à deux. Tu m'écoutes, tu ne dis rien. Déjà, tu es si loin. Tu refermes la porte de ta chambre d'enfant. Tu te sens si fort maintenant. Puis viendra le temps des enfants, enfants rois, même enfants dieux, parfois si fragiles pourtant, mais vous les veillerez à deux. La jeunesse n'est pas éternelle. Un jour il faudra être vieux, même toi et Gwenaël, mais vous le vivrez à deux. Tu m'écoutes, tu ne dis rien, déjà tu es si loin. Ferme la porte de ta chambre d'enfant. Tu te sens si fort maintenant. C'est l'amour qui t'emporte comme une feuille au vent. Tout ce qui t'importe, c'est la vie qui t'attend. Referme la porte de ta chambre d'enfant. Tu te sens si fort maintenant. C'est l'amour qui t'emporte comme une feuille au vent. Tout ce qui t'importe, c'est la vie qui t'attend.